matin. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins 6h-9h30 sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Après un raid aérien meurtrier sur la ville de Damas, le président syrien Bachar el-Assad continue de massacrer son peuple. Il devrait pourtant connaître ce proverbe qui dit « Assad qui roule, Damas pas mousse ». En France, une nouvelle étude montre un déclin de la concentration en spermatozoïdes du sperme et de sa qualité entre 1989 et 2005. C'est la bonne nouvelle de la journée, le gros con prétentieux de français va bientôt disparaître de la planète. Un beau cadeau pour les générations futures. Déjà pas mal. Le rappeur américain Jay-Z est très énervé après la publication de photos privées. Les paparazzi ont commenté leurs photos, Jay-Z a une petite bite. On l'a appris hier, le groupe Les Forbans se produira au Front National samedi. Marine Le Pen, présidente du Front National, aurait déclaré « Avec un nom pareil, c'est tout à fait normal que les Forblancs se produisent en concert pour le FN ». Et pour terminer, si vous aimez les rappeuses françaises et les drogues douces, achetez dès aujourd'hui le nouvel album de Kenny Arcanabis. Oh là là. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. On peut pas mettre ni oui, ni non, ni et. D'accord? Ok. Bon, et, hein, tu peux faire des verbes avec un E à accent aigu, y a pas de problème. Bon, on y va. Ouais. Quentin, une minute. Si tu dis un de ces mots, c'est perdu. Si elle le dit, c'est gagné. Et si vous neutralisez, bah forcément, en une minute, ce sera perdu pour tous les deux. On y va, Quentin, bonne chance. Ni oui, ni non, ni et. C'est parti. Quentin? Bien sûr. Ça va? Pardon, j'ai pas entendu. Très bien, merci. Que fais-tu aujourd'hui? Je suis en chemin pour le boulot. Tu travailles dans quoi? Chez un fournisseur d'accès à Internet. T'aimes bien ton boulot? Bien sûr. T'as des frères ou des sœurs? Que un frère, deux sœurs. Ouh, j'ai cru qu'il est. Il manquait pas une liaison? Non. Oh, t'avais bien joué pourtant. Hein. Ah ouais. Franchement, t'avais bien joué. T'avais bien joué, Quentin. Mais malheureusement, c'est une défaite. Bon, c'est pas grave. Quentin, tu reviens quand tu veux. En tout cas, y a pas de souci. Prudent sur la route. Et puis, bonne journée à Liège alors. Hein. Mickaël à la radio. Le replay. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Question existentielle à base de quoi? De Saint-Nicolas, forcément. Évidemment. Donc, comme la question de Nagui. Voilà, je me suis inquiété de savoir comment Saint-Nicolas se déplaçait de maison en maison. Voilà. Parce que le Père Noël, il a ses rennes et son magnifique traîneau. Et Saint-Nicolas, il a quoi? Bah c'est ça, voilà. Le pauvre Saint-Nicolas. Mais oui, le pauvre. Il va lui acheter une voiture. On va aller appeler à Bernissard maintenant. Allons, on appelle, c'est parti. On va se renseigner là-bas, j'espère qu'ils auront une réponse à nous donner. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oh. Oui, bonjour monsieur. Quoi? Ben voilà, en fait, je vous appelle, j'avais une petite question à vous poser. À ce faire-ci? Mais oui monsieur. Non, ça va pas, non? Bah si, pourquoi monsieur? Bah allez là. Bah allez quoi? Malade, vous? Bah pas du tout monsieur, enfin pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait voilà, je me demandais, est-ce que vous savez comment il se déplace Saint-Nicolas? Parce que bon, Père Noël il a bien ses rênes et son traîneau, mais Saint-Nicolas il fait comment? Ah bah il sait pas. Bah oui, bah non il sait pas. Bon c'est pas grave, on va le rappeler. C'est parti, on y retourne. Allô? Oui, excusez-moi monsieur, nous avons été coupés. C'est moi qui ai coupé. Bah pourquoi vous avez coupé monsieur? Vous aviez pas répondu à la question? Pourquoi? Bah c'est ce que je vous demande, pourquoi? Parce que moi je vous pose une question, vous répondez pas mais vous raccrochez. C'est pas logique ça monsieur. Ça m'intéresse pas. Bah non, c'est moi qui s'intéresse monsieur, votre réponse. Ah bon? Bah oui, parce que c'est la réponse qui est intéressante, pas la question. Bah oui. Bah voilà. Ouais. Donc, est-ce que vous savez comment il se déplace le Père Noël? Saint-Nicolas. Ouais. Ah, comment il fait? Bah il fait comme tout le monde. C'est-à-dire? Ah bah il arrive sa jambe. Ah oui, donc en fait il va que à pied. Bah, oui. Ah bah je sais pas, parce qu'il a peut-être un moyen de locomotion, moi. Bon écoutez, j'ai pas autre chose à faire. Ah bah voilà, en plus si vous avez rien d'autre. Bah si vous n'avez rien d'autre à faire, monsieur, vous pouvez bien répondre à ma question. Oh, enfin bon. Oui. Bon, du coup, il a un peu répondu, non? Bon, pas tant que ça. On rappelle encore un coup. En plus, il a rien d'autre à faire. Bon, c'est vrai. C'est vrai qu'il a rien d'autre à faire, autant le rappeler. Oh là, il se passe quoi là? On est où? Vous êtes bien au 57 91 20. Bah, très bien, oui, c'est comme ça qu'on donne le numéro. C'est bien parce qu'en plus, il donne mais sans préfixe. Oui, c'est ça. On sait pas très bien où on est. Bon, enfin, c'est pas grave. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain, il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben, c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Oui, bon, écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs. Le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. La ligne entre relou, les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. On écoute tout de suite le premier message. Bonjour ma chérie, j'attends toujours tes réponses. Je peux toujours faire de la forêt avec toi. Tu devrais mettre un pantalon, des pantalons moulants. T'as un beau petit cul. Ça te fait ressortir ton derrière. Je t'aime. Ah oui, carrément je t'aime. Carrément. Deuxième message. Passez-moi, c'est Patricia. Pourquoi tu m'appelles pas, franchement? J'aime pas qu'on me fait passer pour une idiote. Attention à toi. Hein. Aïe, aïe. Pascal, tu peux répondre. Pascal. Pascal. Allez, salut. C'est dur, c'est très dur. Oh là là, c'est très dur. Surtout que ça fait des années maintenant que sur les répondeurs, on n'entend plus ce qui se passe. C'est ça. Il y a des gens qui sont encore, c'est des cassettes. Et tu sais, quand c'était le répondeur, c'est allez, vas-y, décroche. Vas-y, c'est moi, décroche. Je sais que t'écoutes. Allô? Oui, effectivement. Non, c'est automatique maintenant, c'est fini. Mickaël à la radio. Le replay.